Du 13 au 18 avril, les médias étrangers ont traité la nouvelle de l'inauguration solennelle de l'avenue Lyumjong en présence du dirigeant suprême Kim Jong-un. Ce sont les agences de presse TASS et RIA Novosti, les télévisions Zvezda, Russie 24 et Centre, la radio Sputnik, la télévision d'internet Mir 24 de Russie, la télévision satellitaire Finis de Hong Kong, l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision centrale, le réseau Planète de Chine, l'agence de presse AP, la Voix de l'Amérique, le site d'internet Google News, l'homepage d'internet Reddit des États-Unis, l'agence France Presse, la NHK et les agences de presse Gyodo et JG du Japon, le journal espagnol El País, le journal Gorkha Patra et la télévision Sokurmata du Népal, la télévision singapourienne Canal de Nouvelles d'Asie, le journal éthiopien Daily Monitor, le britannique Belfast Telegraph, le Péruvien El Comercio, la télévision Télésur du Venezuela et le homepage d'internet du Comité national d'études des études jetées du Congo démocratique et du Cercle basque d'études des études jetées d'Espagne.